L'ambassade Corinne en Russie a offert le 21 un banquet consacré au 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée. Y ont été invités les personnalités des partis politiques, du Parlement, des ministères du gouvernement et des formations russes comme le Parti démocrate libéral, la Douma d'État, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil des vétérans de guerre de Corée et le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les intéressés de la presse écrite et parlée. Y ont été présents aussi le chargé d'affaires par intérim coréen en Russie et ses collaborateurs. Les participants ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il avant de leur rendre hommage. Puis, ils ont vu les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un.